trauma. Sauvage. Ouais. J'en ai rien à foutre. Alors tu peux t'accrocher à ta précieuse humanité. Nous, on fait ce qu'il faut.